Chapitre 4. La pièce réservée à l'étude et au jeu des deux petites filles se trouvait entre leur chambre et celle de Mao et Gemma. Ce fut là que Gemma, dans la matinée, revit ses élèves et commença son rôle près d'elles. Il lui parut s'annoncer facile. Joyce semblait une aimable enfant de vive intelligence. Auberte devait avoir une nature douce et timide, un esprit un peu distrait. Dans ses yeux, Gemma retrouvait cette mélancolie qui l'avait frappée la veille et contrastait si fort avec l'air gai de Joyce. « Êtes-vous souffrante, ma chère petite ?» lui demanda-t-elle en passant une main caressante sur les fins cheveux bouclés. « Je suis souvent fatiguée, mademoiselle !» Joyce eut un rire clair, un peu méprisant. « Dis plutôt que tu te crois toujours fatiguée. Je tâche de la secouer, mademoiselle, mais je n'y arrive guère. Et puis, elle est toujours dans la lune. » « Ce n'est pas très bon pour les petites filles, » dit Gemma avec un sourire encourageant vers le mince visage trop grave. « Nous tâcherons de changer cela, petite aube. » Joyce fit une pirouette en déclarant « Je crois que nous nous aimerons beaucoup, mademoiselle. » Gemma fit aussi la connaissance de la seconde femme de chambre, la mulâtresse Aurélie, attachée au service des petites filles et qui assumerait également celui de mademoiselle de Fontayon. Cette femme, d'une cinquantaine d'années, avait de beaux yeux doux qui parurent considérer avec sympathie la nouvelle venue. Elle apprit à Gemma que Joyce et Auberte avaient coutume de faire une promenade dans le parc avant le déjeuner. En conséquence, vers 11 heures, la jeune fille sortit avec ses élèves. Quand elles eurent traversé la cour située entre les deux ailes, elles prirent à gauche un sentier bordé de hautes troènes qui les amena jusqu'à la pointe de la forêt. Elles s'engagèrent sous les pins et les mélèzes dont la senteur parfumait l'air. Joyce bavardait en anglais. Elle racontait qu'en été, elle allait avec sa sœur passer un mois à Cannes où elle prenait chaque jour des bains. « J'aime tant cela! Je nage bien, mais Aube a peur !» Une nuance de dédain passait dans la voix rieuse. « Est-ce que vous savez nager, mademoiselle ?»« Non, pas du tout. »« Oh, il faudra apprendre. C'est l'oncle Salvatore qui nous a montré l'année dernière. Il est très bien, très fort nageur. Un vrai poisson, dit grand-père. » Gemma évoqua la mince forme souple, le brun visage entrevu. Elle demanda « C'est le frère aîné de monsieur votre père ?»« Non, son cousin Germain. Il habite par là. » Joyce tendait la main vers l'allée qui montait à travers la forêt. « Nous allons passer près de sa maison. Il est parti cette semaine pour la Corse, le pays de sa mère, où il a des propriétés. Du reste, il voyage souvent. Et quand il est ici, on ne le voit pas beaucoup au château. » La sylve résineuse s'éclaircissait un peu et bientôt apparut un espace découvert, vaste clairière cernée par des plantations d'azalées. Au centre s'élevait un grand pavillon, fait en pierre du même ton fauve que le château. Ses lignes sobres et harmonieuses étaient celles des constructions du XVIe siècle. À l'intérieur, des chiens aboyèrent. Une figure de femme, maigre et ridée, parut derrière les vitres d'une des larges portes-fenêtres ouvrant sur l'étroite terrasse qui faisait le tour du bâtiment. « C'est Paola, la servante corse de l'oncle, » dit Joyce. « Je ne l'aime pas, c'est une espèce de sauvage. » La douce voix d'Auberte s'éleva pour la première fois. « L'oncle dit qu'elle se jetterait au feu pour lui. » Joyce leva les épaules. « Eh bien, les sauvages peuvent faire ça. Vous entendez ces chiens, mademoiselle? Ce sont des chiens de chasse. L'oncle est un grand chasseur et il les emmène à l'automne en Corse. » Les promeneuses longèrent la maison autour de laquelle l'espace était soigneusement sablé. Au-devant de l'autre façade, un dauphin de pierre, noirci par les siècles et les intempéries, laissait échapper de sa bouche une eau intarissable venue des profondes sources de la montagne. Il était encadré de deux statues faites d'un marbre patiné au ton d'ambre pâle. Elles représentaient des nymphes couronnées de fleurs, rieuses, esquissant un mouvement pour la danse. L'une d'elles retint surtout l'attention de Gemma. Elle était frêle, presque une enfant, avec des traits délicats, un regard candide et amusé. Des fleurs s'échappaient de ses mains, tombaient jusque sur ses pieds nus. Cette statue semblait vivante réellement. « C'est maman !» dit Auberte. Gemma se retourna et regarda l'enfant avec surprise. « Que dites-vous, ma petite fille ?» Joyce eut ce mouvement de dédain qui lui semblait habituel à l'égard de sa sœur. « Elle trouve que cette statue ressemble au portrait de sa mère qui est dans le salon de papa. » Et elle ajouta, en manière d'explication, devant un certain étonnement discerné chez son institutrice, « Sa maman était la seconde femme de papa. Moi, je suis la fille de la première. »« Ah bien !» dit Gemma. « Vous les trouvez belles, ces statues, mademoiselle? C'est l'oncle Salvatore qui les a faites. Grand-père dit que c'est parfait. Je suis de son avis. » « Voilà où l'oncle travaille !» reprit la bavarde Joyce en tendant son doigt vers deux fenêtres voilées de rideaux de toile bise. « Il a fait un buste de la cousine Laetitia. Vous l'avez vu dans le salon jaune, mademoiselle ?» Oui, Gemma l'avait vu et elle avait été frappée de la façon dont était rendue la figure assez étrange, assez énigmatique de la comtesse Camparini. En vérité, ce Salvatore de Camparène était un grand artiste. Au-delà du pavillon, une route continuait de monter à travers la forêt. Mais Gemma et ses élèves n'allèrent pas plus loin ce jour-là. Joyce voulait montrer à son institutrice l'aquarium installé dans une partie de l'orangerie. C'était une fantaisie de Madame de Camparène qui avait rapporté de ses voyages de curieux poissons. Gemma admira les hôtes éblouissants des grands bacs de verre où rien ne manquait pour le confort de l'agent aquatique. « C'est Chiang, le chinois de papa, qui s'en occupe, » dit Joyce. « Grand-mère trouve qu'il s'y entend parfaitement. » Quittant l'orangerie, Gemma et ses élèves gagnèrent la loggia aux sveltes colonnes qui donnait à cette façade du château un aspect tout italien. Devant les portes-fenêtres du salon où se tenait habituellement la famille, le salon jaune, ainsi qu'on le désignait, Madame de Camparène écoutait la lecture que faisait Mao. Lionel était là aussi, les genoux recouverts d'une fourrure, le buste enveloppé d'un tartan. Il accueillit par un sourire l'institutrice et les petites filles. « Bonne promenade, mademoiselle !»« Très bonne, monsieur !» « J'ai fait voir à mademoiselle le pavillon et l'aquarium. » Joyce s'approchait de son père, appuyait câlinement sa tête blonde contre son épaule. « Ah, le pavillon de notre grand sculpteur !» Il y avait une nuance de moquerie dans l'accent de Lionel. « Vous avez vu ses œuvres, mademoiselle ?»« Oui, et elles m'ont paru fort belles, autant que j'en puis juger. » « Ah, il a du talent, ce cher Salvatore. Mais il est la modestie même. Il le garde caché. Bien peu se doute que Bruxelles abrite un artiste de grande valeur. » Gemma ressentait un sourd agacement du ton légèrement persifleur de Lionel. Elle répliqua, non sans quelque vivacité, « Cette modestie est une chose trop rare pour ne pas l'estimer à sa juste valeur. » « Certes, certes !» Du bout des doigts, Lionel caressait la joue d'Auberte qui lui disait timidement « Bonjour, papa !» Puis, quand les enfants eurent reçu un baiser de leur grand-mère et salué Mao, Gemma les emmena vers leur appartement. Elle voulait, avant le déjeuner, écrire un mot à sa mère pour lui apprendre leur changement de situation et lui donner leur nouvelle adresse. Yolande, mariée à un riche propriétaire algérien, habitait Alger une partie de l'année. Elle venait tous les ans à Paris et, pendant son séjour, voyait ses filles deux ou trois fois, leur faisait quelques cadeaux et beaucoup de caresses. Après quoi, de retour chez elle, Une lettre tous les 6 mois lui semblait suffisante. Mao lui avait appris la mort de M. de Fontayan, leur départ pour Valoris où les recueillait la tante Laurence. Madame d'Orfier avait répondu par un court billet où, en 12 lignes, elle trouvait moyen de parler surtout d'elle, selon sa coutume. Comme Gemma finissait d'inscrire l'adresse de sa mère, Mao entra, toute fraîche, dans sa robe de souple étoffe gris clair. Ses yeux brillaient, sa bouche souriait. Quel délicieux séjour que ce Bruxelles, et quels hôtes charmants! Nous avons une chance extraordinaire, Gemma. Je l'espère. Mao lui jeta un coup d'œil narquois. Tu n'as pas l'air enthousiaste. Que te faut-il donc? Ce n'est pas en quelques heures que nous pouvons nous faire une opinion. Mao leva les épaules. Toi, peut-être, avec ta manie de tout analyser, de chercher ce qu'il y a de caché dans le cerveau des gens. Heureusement, je suis plus simple et ne m'embarrasse pas de tant de subtilités. Madame de Camparène est une femme intelligente, pleine de tact. Monsieur Lionel est très aimable, très simple. Et quel musicien! C'est un délice de l'accompagner. À qui écris-tu? À maman? Oui, je lui apprends que nous sommes ici. Ma lettre n'est pas cachetée. Veux-tu y mettre un mot? Oh, c'est inutile. Elle s'intéresse si peu à nous. Il y avait une intonation de rancune dans la voix de Mao. Enfant, elle admirait sa jolie mère, si élégante, mais ensuite, elle lui en avait voulu de son indifférence, plus que Gemma, qui en souffrait cependant bien autrement. Mao fit quelques pas dans la chambre, ses fins sourcils légèrement froncés. Puis elle demanda « Et tes élèves, te plaisent-elles ? » « Elles semblent très gentilles. Joyce est plus en dehors, plus causante que sa sœur. Celle-ci ne me paraît pas d'une très bonne santé. J'ai appris ce matin qu'elles ne sont que demi-sœurs, leur père s'étant marié 2 fois. » Mao eut un vif mouvement de surprise. « Déjà, à son âge, car il paraît si jeune. 2 fois veuf ?» Elle alla vers la coiffeuse, prit sa brosse, la passa lentement sur ses cheveux. Elle dit pensivement « S'il a eu si peu de chance, peut-être n'aura-t-il plus maintenant l'idée de se remarier. » Au bout de 8 jours, l'enthousiasme de Mao n'avait pas faibli, bien au contraire. Elle était enchantée de tout et de tous. Joyce avait de grandes dispositions musicales et se montrait une parfaite élève. Aubert, moins doué, lui donnait cependant satisfaction. Les séances d'accompagnement avec Lionel, dans lesquelles le comte de Camparène, bon violoniste, faisait parfois sa partie, la transportaient de joie. Elle s'épanouissait dans ce milieu raffiné, dans ce luxe aristocratique. Avec un rire moqueur, elle disait à Gemma « Eh bien, as-tu trouvé quelque chose à reprocher à nos hôtes ?» Non, Gemma n'avait rien trouvé qui pût justifier ce vague malaise persistant en elle depuis qu'elle habitait Bruxelles. Bien qu'elle n'éprouvât point de sympathie pour Madame de Camparène, pour Donna Laetitia et encore moins pour Lionel, il lui était impossible de nier que, chacun à sa manière, ils fissent leur possible pour être agréables à leur jeune commensal et que celles-ci fussent traitées beaucoup plus comme des invitées que comme des institutrices, demoiselles de compagnie, secrétaires, toutes fonctions qu'elles assumaient ici. Les petites filles semblaient avoir un caractère facile. Quant à M. de Camparène, Gemma le tenait pour un excellent homme, sans volonté, visiblement dominé par sa femme. Il passait une partie de ses journées dans la bibliothèque, occupé à des recherches, à des travaux historiques. Un après-midi, sur sa demande, Gemma l'y rejoignit. Cette grande pièce à 3 fenêtres était décorée de vieilles boiseries sculptées, entre lesquelles s'encastraient des armoires aux portes treillagées qui renfermaient des volumes, anciens et modernes, des liasses de paperasses soigneusement rangées par le secrétaire du comte, petit vieillard à tête de rat qui se tenait assis devant un bureau dans l'embrasure d'une fenêtre et salua obséquieusement Gemma. M. de Camparennes invita la jeune fille à prendre ici les livres qui lui plairaient. Il lui parla de son travail en train, cette histoire des vieilles familles de Provence, pour laquelle il lui manquait encore certains éléments. « Je dois les trouver dans des bibliothèques privées, entre autres à Aix. J'ai là un très bon ami, M. de Rambertin, mais il n'est guère capable de ses recherches. J'ai pensé à vous demander, chère mademoiselle, de vous rendre là-bas dans quelques semaines pour les effectuer vous-même. » Vous logeriez chez mon ami qui vit avec sa charmante fille. 8-10 jours suffiraient, je pense, pour que vous consultiez ses archives privées dont M. de Rambertin vous obtiendra facilement l'accès, car il est très connu et estimé là-bas. Gemma assura qu'elle serait heureuse de lui rendre ce service. Elle le suivit dans la tour voisine où se trouvaient les archives, dans une salle voûtée du rez-de-chaussée. Cette tour hardie, vestige de l'ancien château fort, avait des murs d'une épaisseur énorme. Dans l'un d'eux se trouvait l'escalier menant au premier étage. M. de Camparennes le montra à Gemma. Là-haut, c'est le domaine de Laetitia et de Lionel, leur laboratoire. Ils y font je ne sais quelles expériences, plus ou moins dangereuses, ainsi qu'en témoigne l'accident arrivé à ma jeune parente. Aussi ne suis-je jamais tranquille pour Lionel. Mieux vaudrait qu'il se contentât de sa musique. Mais il s'est si bien engoué de la chimie qu'il est impossible de lui faire entendre raison. Comment peut-il se transporter là ? Demanda Gemma en désignant les raides degrés de Pierre. Il se fait porter par son valet chinois qui est étonnamment fort sous sa mince apparence. Vous le connaissez ? Oui, Gemma avait aperçu le maigre petit homme jaune et elle n'avait pas aimé son regard fuyant, son obséquieux salut. Mais ceci, elle ne le dit pas à M. de Camparennes. Les archives de la famille étaient enfermées dans des coffres anciens dont certains devaient dater de la même époque que la tour hardie. M. de Camparennes en avait compulsé un certain nombre, mais n'avait encore pu venir à bout de toutes, les voyages ne lui ayant laissé que peu de temps pour séjourner à Bruxelles jusqu'à ses dernières années. « Ma femme aime tant le changement. Nous connaissons toutes les parties du monde. Cela ne m'était pas désagréable quand j'étais plus jeune, mais j'avoue qu'à mon âge, j'aspire à la tranquillité. Elle aussi, d'ailleurs, semble la désirer. Nous ne ferons plus que d'assez courtes absences. » C'est pourquoi je me suis promis de terminer l'examen de ces vieux manuscrits et je serais heureux d'avoir votre aide pour cela. Je vous la donnerai avec plaisir, monsieur. » Un bruit léger dans l'escalier leur fit lever la tête. Une femme descendait les degrés, Laetitia vêtue de lainage sombre sur lequel se détachait un simple col de piquet blanc. « Ah, tu étais là-haut, » dit monsieur de Camparennes. « Je montrai nos archives à mademoiselle de Fontaillan. Cela est plus intéressant que ta chimie, ma chère enfant. Chacun son goût, mon cousin. » Elle était au bas des degrés, éclairée par une torchère de bronze dont le comte avait allumé les lampes électriques. Dans cette tenue austère, privée de ses soieries, des vives couleurs qui semblaient lui plaire et seyaient à sa beauté brune, elle apparaissait une autre femme, un peu terne, mais de physionomie plus énigmatique encore, avec ses lourdes paupières demi-baissées sous les yeux noirs si calmes, où Gemma n'avait jamais vu paraître rien qui trahît les mouvements de cette âme. « Certes, certes, je ne t'en blâme pas, mon enfant. Tu tiens sans doute ce goût-là de notre ancêtre. » S'adressant à Gemma, M. de Camparennes expliqua. D'après la tradition, au début du XVIe siècle, César et Camparini avaient le renom d'un alchimiste distingué. On prétend aussi qu'il était fort expert dans la fabrication des poisons. Laetitia leva légèrement les épaules. « Fable que cela ! Dans les papiers de famille que je possède, il est dit, en effet, que César est occupé d'alchimie, mais cela n'implique pas qu'il s'intéressait à la toxicologie, comme nous disons aujourd'hui. C'est une manie d'accuser les gens de cette époque d'être à peu près tous des empoisonneurs. Il y en eut, certes, mais beaucoup moins qu'on ne le pense généralement. Eh bien, souhaitons que notre ancêtre ait échappé à cette criminelle contagion, dit en souriant M. de Camparennes. Maintenant que je vous ai montré notre réserve de vieille paperasse, mademoiselle, allons prendre notre thé. Ils quittèrent la tour dont M. de Camparennes referma la porte derrière lui. Laetitia s'arrêta au seuil de la bibliothèque en disant sèchement « Qu'est-ce que tu fais ici, toi ?» À quelque distance du bureau du secrétaire se tenait debout Zora, la naine. Ses yeux noirs, brillants dans sa petite face flétrie, s'attachaient avec une sournoise curiosité sur Laetitia et Gemma. Celle-ci l'avait rarement aperçue depuis son arrivée. Elle se tenait surtout dans l'appartement de la comtesse, car sa présence était désagréable à Lionel. Joyce non plus ne l'aimait pas, et quand elle l'apercevait, errant dans les jardins, elle murmurait avec mépris « Voilà encore cette petite horreur dont grand-mère s'est entichée, comme dit papa !» L'apostrophe de Laetitia ne parut pas émouvoir la naine. Sa petite bouche charnue ébaucha même un sourire qui lui donna l'air d'un enfant malicieux. Elle répondit d'une voix flûtée « Je venais voir Monsieur Bardou !» Le secrétaire, occupé à écrire, n'avait pas levé la tête. Laetitia dit du même ton sec « Monsieur Bardou n'a que faire de ta présence. File d'ici, petite peste !» Dans les yeux de Zora, Gemma vit pendant une seconde l'expression d'une haineuse colère. Pivotant sur ses hauts talons, la naine s'éloigna et sortit de la bibliothèque. Elle ne faisait pas grand mal, dit M. de Camparennes, avec un accent de léger reproche. « Tu as une prévention contre elle. Cependant, elle n'est pas méchante, un peu toquée seulement parfois. » Une petite peste, je le répète, mon cousin. Curieuse, sournoise et, je le crains, voleuse. Oh, cela, tu n'as pas de preuves, mon enfant. Non, malheureusement, des soupçons seulement, parce qu'elle rôde partout, touche à tout, et que certains objets, certains papiers, ont disparu de chez moi. Tu m'as dit que ces papiers avaient été remis sur ton bureau le lendemain. Oui, le voleur ou la voleuse les avait rapportés, n'y trouvant sans doute pas l'intérêt escompté. Mais je n'ai jamais revu la double clé du laboratoire et il a fallu faire changer la serrure. Or, chez moi, à plusieurs reprises, j'ai cru sentir le parfum de lilas dont se sert Zora. Que ferait-elle de cette clé? Tu l'as égarée, sans doute, mise ailleurs que dans l'endroit habituel. Zora est curieuse, je te le concède, mais voleuse, je n'y croirai pas jusqu'à preuve du contraire. Laetitia eut un geste qui signifiait « à votre aise ». Puis elle marcha vers la porte en disant « Je vais changer de robe et vous rejoins tout à l'heure ». Le comte et Gemma gagnèrent le salon jaune où Lionel et Mao jouaient une œuvre de Ravel. Dans un salon voisin, Madame de Camparennes recevait une de ses amies de Cannes, Lady Brenwill. Elles apparurent toutes les deux pour le thé. L'anglaise était une agréable vieille dame, petite, grassouillette, visiblement d'une intelligence assez bornée, mais de nature bienveillante. Elle parlait beaucoup de ses enfants, de ses petits-enfants, et demanda à voir Joyce et Hubert. Madame de Camparennes sonna Aurélie pour qu'elle les amenât. À la vue de Joyce, la visiteuse s'écria « Mais elle ressemble de plus en plus à sa mère, cet enfant. C'est frappant. Ne trouvez-vous pas, ma chère Cynthia ?» Ce fut Lionel qui répondit de sa voix caressante. « Oui, elle me rappelle absolument ma pauvre Laura. C'est une consolation pour moi. » De fait, d'après la photographie placée au-dessus de l'île de Joyce, Gemma avait pu juger de cette ressemblance. La première épouse de Lionel était une mince et belle femme blonde, au trait régulier, au sourire un peu dédaigneux. Infiniment moins sympathique, certes, que la mère d'Aubert, dont le portrait se trouvait également suspendu au-dessus de l'autre lit, dans la chambre qu'occupaient les deux sœurs. C'était bien la même toute jeune femme représentée dans la statue due aux ciseaux de Salvatore et de Camparène. Mais la gaie candeur du regard, le sourire discrètement amusé, avait disparu. Il ne restait qu'une expression de tristesse, de lassitude ou d'ennui. Répondant à la dernière phrase de Lionel, Lady Brenwell dit avec compassion « Oui, vous avez eu bien des chagrins, mon pauvre ami. Cette gentille Juliette, une petite santé malheureusement. » Dont a hérité sa fille, ajouta Madame de Camparène. Gemma jeta un coup d'œil vers Auberte. Elle se tenait debout près de sa sœur, toute menue dans sa robe de velours gris. Ses doux yeux mélancoliques semblaient regarder au-delà de cette réunion, de ce salon ensoleillé où s'exhalait le discret parfum des jacinthes et des violettes disposées dans des coupes de cristal. Gemma se demandait avec perplexité si cette singulière tristesse était due seulement à une santé délicate. Auberte ne souffrait-elle pas de la préférence ouvertement témoignée par tous à sa sœur, ou fallait-il en chercher quelque autre cause ? « Cet enfant est un mystère, » pensa Gemma. « Arriverai-je à en trouver la clé ? »